Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. À la fin de l'année 1944, la Grèce libérée va basculer dans la violence. Et les combats vont opposer les conservateurs et les anciens collabos soutenus par les forces britanniques aux partisans de l'Hellas, un mouvement de résistance armée très populaire et largement influencé par les communistes. Mais des communistes qui ne bénéficieront pourtant d'aucun soutien de Moscou, car, nous a dit M. X la semaine passée, Staline a décidé de laisser les mains libres à Churchill. Le premier ministre britannique le raconte à sa façon dans ses mémoires. Le 9 octobre 1944, il arrive à Moscou. C'est la première fois qu'il rencontre Staline. Je lui laisse la parole, il s'adresse au maître du Kremlin. « Réglons nos affaires des Balkans. Vos armées se trouvent en Roumanie et en Bulgarie. Nous avons des intérêts, des missions et des agents dans ces pays. Évitons de nous heurter pour des questions qui n'en valent pas la peine. En ce qui concerne la Grande-Bretagne et la Russie, que diriez-vous d'une prédominance de 90% en Grèce pour nous et de l'égalité 50-50 en Yougoslavie ? Pendant que l'on traduisait mes paroles, j'écrivis sur une demi-feuille de papier Roumanie, Russie 90, les autres 10%, Grèce, Grande-Bretagne 90%, en accord avec les États-Unis, Russie 10%, Yougoslavie 50-50, Hongrie 50-50, Bulgarie, Russie 75%, les autres 25%. Je poussai le papier devant Staline, à qui la traduction avait alors été faite. Il y eut un léger temps d'arrêt. Puis il prit son crayon bleu, il traça un gros trait en matière d'approbation et nous le rendit. Tout fut réglé en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire. Il y eut ensuite un long silence. Le papier rayé de bleu demeurait au centre de la table. Je dis finalement, ne trouvera-t-on pas un peu cynique que nous ayons l'air d'avoir réglé ces problèmes dont dépend le sort de millions d'êtres d'une façon aussi cavalière ? Brûlons ce papier. Non, gardez-le, dit Staline. Ainsi a été joué le sort d'une partie de l'Europe de l'Est et de la Grèce. La Grèce qui va sombrer dans la violence. Dans un instant, la suite du récit de M. X. No ser es ser sin que tú seas, sin que vayas cortando el mediodía como una flor azul sin que camines. Más tarde por la niebla y los ladrillos, sin esa luz que llevas en la mano, que tal vez otros no verán dorada, que tal vez otros no verán dorada, que tal vez nadie supo. Que crecía como el origen rojo de la rosa. Que seas, en fin, sin que vinieras, brusca, incitante, a conocer mi vida, ráfaga de rosal, trigo del viento. Oh, desde entonces soy porque tú eres. Y desde entonces eres, soy y somos. Y por amor serás, seremos. Je vous ai dit la semaine dernière, après l'euphorie de la libération, les premières tensions apparaissent rapidement, pour deux raisons au moins. D'abord, le gouvernement provisoire, soutenu à bout de bras par les forces britanniques d'occupation, ne semble guère pressé de procéder à une épuration. Ouais, c'est-à-dire l'épuration des collaborateurs. Et on voit ressurgir dans les milieux proches du pouvoir des gens qui ont pactisé avec les nazis, alors que le gouvernement de Georges Papandréou a demandé la démobilisation des partisans, ce que les Grecs appellent les andartès, les rebelles. Une demande que n'acceptent pas les chefs de l'Hellas. Oui, parce qu'ils soupçonnent ce gouvernement et ses amis britanniques de vouloir restaurer la monarchie. En particulier. Ils entendent donc peser de tout leur poids pour refuser cette solution. Par conséquent, les quelques ministres de l'Hellas qui avaient accepté du bout des lèvres de participer à ce gouvernement d'union nationale finissent par démissionner. Autre donnée essentielle. Je vous ai dit que Churchill était persuadé que tôt ou tard, il faudrait se confronter avec ces andartès trop proches des communistes. Oui, on profitait pour s'en débarrasser. Ah oui, quitte à forcer le destin. C'est clairement ce que pense Churchill. Or, au lendemain de la démission des ministres de l'Hellas, le 3 décembre, on assiste à un mystérieux et sanglant événement. Une marche pacifique de l'Hellas en plein centre d'Athènes est violemment réprimée par la police. On dénombre une vingtaine de morts tués par balles et des centaines de blessés. Alors que s'est-il passé ? Vraisemblablement une provocation suivie d'un mouvement de panique chez les policiers dès que les premiers coups de feu ont été tirés. Oui, d'accord, une provocation, mais de la part de qui ? Je vous ai parlé de ces groupes d'extrême droite qui s'étaient créés après la libération et qui avaient infiltré les forces armées, vraisemblablement les forces de sécurité. En tout cas, ces provocateurs, quels qu'ils aient été, ont réussi leur coup. Car immédiatement, l'Hellas a repris les armes et réactivé ses maquis des montagnes. Donc vous pensez que ce drame d'Athènes devait aboutir à ce durcissement de la position des andartès ? Ah, j'en suis sûr. Ouais. Alors le coup pourrait aussi venir de la frange la plus radicale de l'Hellas. C'est possible, mais je n'y crois pas beaucoup. On peut aussi penser à une machination des Britanniques, quoi qu'il en soit. Dès le lendemain soir, l'Hellas contrôle presque tout le Pirée et la plupart des quartiers d'Athènes. Et la bataille va être ouvertement engagée contre les troupes britanniques et les membres des bataillons de sécurité. Ouais, c'est-à-dire, m'avez-vous dit, à peu près l'équivalent des miliciens d'Arnon sous l'occupation. Sauf que ces types des bataillons de sécurité, eux, n'avaient été ni arrêtés ni épurés. Non, on les avait simplement confinés dans leurs casernes pour collaboration avec l'ennemi. C'est pas bien méchant, hein. Mais là, on les fait sortir et on les arme. Et parallèlement, Londres décide de renforcer son contingent présent en Grèce. Vers la fin décembre, ils sont déjà 75 000 hommes. Et ils disposent de tanks et d'armes modernes. À noter, détail important, que ces bataillons britanniques sont surtout composés de Gurkhas. Oui, ce sont des Indiens de l'Empire britannique. D'excellents combattants. Ce n'est pas tout à fait innocent. À Londres, on craint d'envoyer des soldats d'origine britannique qui auraient pu refuser de combattre leurs anciens compagnons d'armes qui avaient combattu avec eux les Allemands. En tout cas, très rapidement, les Anglais décident de procéder à une vraie démonstration de force. Leurs avions bombardent les positions de l'Hellas dans les bois et les immeubles situés autour du centre d'Athènes. Cette fois, c'est la guerre. Effectivement. Et de nouveaux renforts britanniques arrivent tandis que les citoyens grecs sont invités à s'engager dans les forces gouvernementales telles que la garde nationale où ont été intégrés les sinistres bataillons de sécurité. Quel est alors le rapport de force ? Oh, il est nettement en défaveur des partisans de la région d'Athènes et du Pirée qui sont mal armés, mal nourris et très jeunes pour la plupart. Conséquence, après 33 jours de combat, ils doivent rendre les armes. D'autant que les forces de l'Hellas qui ont lancé une offensive en Macédoine sont dangereusement dispersées. Enfin, il faut souligner que les opérations militaires s'accompagne d'une répression purement politique. C'est-à-dire ? Ben, il est procédé à des arrestations massives d'Andartès ou de sympathisants de l'Hélas. Ce sont des milliers de civils qui sont ainsi appréhendés, enfermés ou même déportés en Afrique du Nord dans les camps de Tobrouk et d'El Daba. Des camps de concentration ? Exactement. En tout cas, la situation de la Grèce continue à être suivie de très près par Londres. Fin décembre 1944, Churchill se rend en personne à Athènes. Alors que la guerre n'est pas terminée. Hein. Il enjoint le roi George II d'accepter une régence. Mais il se montre intraitable avec l'Hélas. Et pourtant, en Angleterre même, Churchill doit faire face à de vives critiques sur sa politique grecque. C'est surtout le bombardement aérien d'Athènes qui a choqué. D'autant que depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, la capitale n'avait jamais été touchée. Le Premier ministre est pris à partie à la Chambre des communes. Mais Churchill se défend en affirmant que la Grèce venait d'échapper à une dictature bolchevique. C'est crédible ? Pas trop, non. Même le très conservateur Times remarque que s'il y a un risque de dictature en Grèce, il existe plutôt du côté gouvernemental, étant donné l'absence d'épuration et le maintien en poste d'officiers extrémistes. Alors la suite. Début février, les trois grands, Roosevelt, Churchill et Staline, se rencontrent à Yalta. Ils signent entre autres une déclaration sur l'Europe libérée, où ils prônent la création d'institutions démocratiques qui garantissent le droit des peuples à choisir la forme de leur gouvernement. Et autant vous dire tout de suite que ce ne sera pas appliqué à la Grèce. Ni dans les pays d'Europe de l'Est où Staline a déjà son idée sur la suite des événements. Oui, là, vous avez raison. Enfin, restons en Grèce. Quelques jours après le sommet de Yalta, les différentes forces grecques signent un accord de paix. Je n'entre pas dans les détails, mais paraît plutôt désavantageux pour l'Hélas, qui accepte unilatéralement de déposer les armes. C'est si vrai que Haris, le chef héroïque du combat contre les nazis, refuse d'obtempérer et retourne au maquis. Il est aussitôt désavoué par le Parti communiste. Traqué par les forces gouvernementales, il est tué. Et sa tête est publiquement exposée dans une ville de Thessalie. Ben ça, c'est la revanche des collabos. Des collabos qui continuent à tenir le haut du pavé. À la fin 1945, on pourra observer que les tribunaux auront condamné 10 fois plus d'Andartès que de collaborateurs des nazis. Et cette tendance se confirme avec la nomination au poste de Premier ministre d'un général qui, sous l'occupation, avait proposé la formation d'un gouvernement de collaboration. Et parallèlement, tout au long de l'année 1945, malgré l'accord de paix, c'est une véritable terreur blanche qui se déchaîne contre les Andartès. Oui, ces anciens partisans qui sont désormais désarmés. En juillet 1945, de sources gouvernementales, on compte déjà 20 000 arrestations. Et 3000 condamnations à mort sont prononcées. Et de quoi sont-ils accusés ? De meurtre contre des membres des bataillons de sécurité. Mais on les accuse aussi d'avoir tué des Italiens et des Allemands. C'est-à-dire des ennemis ? Oui, c'est complètement fou. Et on observe le pire en dehors d'Athènes, où sévissent des dizaines de gangs de coupeurs de tête, ainsi qu'on les appelle. Et qu'est-ce que c'est ? Ce sont des bandes armées qui, souvent, avec le concours de la garde nationale, se livrent à la chasse aux anciens partisans et à leurs familles. Elle recrute pêle-mêle des miliciens collabos, des monarchistes et des nationalistes et agissent en toute impunité car les forces armées officielles se gardent bien d'intervenir, tandis que les Britanniques applaudissent et leur donnent même à l'occasion un coup de main. Est-ce que ces anciens résistants-là essaient de se défendre ? Ceux qui le peuvent refluent dans leur fief du Nord et se réorganisent. Ça signifie qu'il faut s'attendre à de nouveaux affrontements. Avant de poursuivre cette analyse extraite d'un ouvrage du grand historien anglais Tony Judd, après-guerre. En Grèce, malgré un niveau significatif de collaboration parmi les élites bureaucratiques et économiques, l'épuration de l'après-guerre visa non pas la droite, mais la gauche. Le cas est unique, mais révélateur. La guerre civile de 1944-45 avait convaincu les Britanniques que seul le ferme rétablissement d'un régime conservateur à Athènes stabiliserait ce petit pays d'une importance stratégique vitale. Épuré ou menacé autrement des hommes d'affaires ou des responsables politiques qui avaient travaillé avec des Italiens ou des Allemands, pouvait avoir des implications radicales dans un pays où la gauche révolutionnaire semblait à deux doigts de s'emparer du pouvoir. À courte échéance, la menace sur la mer Égée et le sud des Balkans changea de camp, de l'armée allemande qui battait en retraite aux communistes grecs retranchés et à leurs alliés partisans dans les montagnes. Très peu de gens furent lourdement châtiés pour collaboration avec les puissances de l'Axe, tandis que les autorités firent un usage libéral de la peine de mort dans la guerre contre la gauche. En dehors même de ces faits dramatiques que je vous ai exposés, il faut noter qu'au sortir de la guerre, la situation économique de la Grèce était catastrophique. Le pays était en ruine et connaissait une hyperinflation. En mars 1946, malgré tout, on a organisé les premières élections de la Grèce libre. Mais le Parti communiste et les chefs de l'ancienne Hellas ont refusé d'y prendre part. Et pour quelle raison ? Leurs adversaires, c'est-à-dire les conservateurs et le gouvernement, n'ont pas accepté leurs conditions, c'est-à-dire la participation au pouvoir, le désarmement des bandes, l'amnistie générale des andartes et l'épuration de l'armée, de la gendarmerie et de l'administration. Oui, d'accord, mais n'est-ce pas une erreur de ne pas participer aux élections ? Ça leur aurait au moins permis de se compter. Peut-être, oui, mais vous allez le voir, les communistes vont, dans les années qui suivent, commettre bien des erreurs. Et ça leur coûtera cher. À eux et à leurs sympathisants, qui seront les premières victimes de la guerre civile, qui va bientôt embraser la Grèce. Alors, avant de voir cela de plus près, une première observation. Ce conflit sanglant aura des conséquences bien au-delà des frontières grecques, car elle est au fond la première manifestation visible de la guerre froide. Oui, l'Ouest contre l'Est. Un général américain affirmera même que, pour les Occidentaux, la Grèce a servi de laboratoire. Enfin, il faut rappeler que c'est en mars 1946 que Churchill va lancer une expression qui va faire florès, le rideau de fer. Oui, je crois me souvenir qu'il a dit exactement « un rideau de fer est descendu à travers le continent européen ». C'est exact. Oui. Et au cours de cette conférence prononcée aux États-Unis, il n'a pas omis de signaler que la Grèce, elle, est restée libre de décider de son avenir. Ce qui, après tout ce que vous m'avez dit, paraît douteux si j'en juge par l'interventionnisme de Londres. Bien sûr. Alors voyons, maintenant les faits. Il faut d'abord s'arrêter sur le mois d'octobre 1946. On assiste à la création de l'armée démocratique, une nouvelle structure qui est en réalité l'héritière de l'Hellas. Forte de 6000 hommes, elle est regroupée dans le nord du pays, c'est-à-dire en Macédoine occidentale. Un terrain montagneux que les rebelles connaissent bien. Oui, contrairement aux forces gouvernementales. Le parti communiste soutient-il ces nouveaux partisans ? Pas au début. Les communistes suivent encore la ligne définie à Moscou et interdisent à leurs militants de rejoindre le maquis et d'attaquer les Britanniques. Mieux, Staline ne répondra jamais aux demandes d'aide matérielle de la résistance. Mais pourquoi, parce que la question grecque lui paraissait secondaire. Il ne méritait pas d'ouvrir un conflit avec l'Occident. Cela n'empêchera pas le maître du Kremlin de tout faire pour se débarrasser des chefs historiques de la résistance et de les remplacer par des apparatchiks. Oui, comme partout ailleurs en Europe de l'Est dans ces années-là. Les combattants de l'armée démocratique sont donc seuls. Pas tout à fait. Le maître de la Yougoslavie, Tito, choisira, lui, de leur livrer des armes et même de leur offrir un refuge. Mais Tito qui ne va pas tarder à devenir le meilleur ennemi de Staline. Et ce n'est pas un hasard. Tout au long de l'année 1946, les hommes de l'armée démocratique résistent à la pression militaire des forces gouvernementales et britanniques. Mais en février 1947, la Grande-Bretagne décide de lâcher prise. Londres abandonne la Grèce. Oui, mais le relais, si j'ose dire, va être transmis aux États-Unis. Et pourquoi cette décision subite de la Grande-Bretagne ? Elle est sortie ruinée de la Seconde Guerre mondiale et puis elle doit faire face à l'éclatement de son empire. Ouais, l'indépendance de l'Inde. Hein. Oui. Dès janvier 1947, une première mission économique américaine est arrivée à Athènes. Puis ce sont les agents de l'OSS. Oui, l'OSS qui va bientôt devenir la CIA. Hein. Et avec leurs homologues grecs, ils créent des unités de sécurité rurale pour entraver l'action de l'armée démocratique. C'est une tactique de contre-insurrection. On vide la montagne de ses habitants pour les rassembler ailleurs afin de les couper de la guérilla. Mais ça ressemble au futur hameau stratégique là, de la guerre du Vietnam. Hein. Exactement. Et en même temps, au nom de la doctrine Truman, les États-Unis inaugurent en Grèce leur rôle de chef de file du système occidental. Et préciser. On peut résumer ainsi. Partout où une agression directe ou indirecte menace la paix, la sécurité des États-Unis se trouve mise en jeu. Donc, les Américains doivent aider la Grèce à sauvegarder son régime démocratique. Oui, menacé par les combattants de l'armée démocratique. Qui ne peuvent être, bien sûr, que des communistes. Et un peu plus tard, le plan Marshall concrétise économiquement la doctrine Truman. Près $1 milliard d'aides sont accordées à la Grèce. Dorénavant, les États-Unis contrôlent tout en Grèce. Les finances, les nominations des ministres, l'armée, la justice et évidemment les opérations de répression contre les rebelles. Ouais. Justement, que se passe-t-il sur le terrain ? Les combats s'intensifient tout au long de 1947. L'armée démocratique lance des attaques de grande envergure sur les villes du nord de l'Épire, dans le Péloponnèse, la Macédoine et la Thessalie. Les contre-offensives sont massives, mais peu efficaces, car les Andartès refluent dans leurs montagnes et les frontières yougoslaves et albanaises. Oui. Les rebelles tiennent bon par conséquent. Et d'abord parce que leur chef, Vafiadis Marcos, a procédé à une réorganisation en privilégiant les techniques de guérilla. En même temps, les communistes qui ont durci le ton envisagent de créer une région libre dans le nord, dotée d'un régime démocratique populaire. L'amorce d'un séparatisme, alors. Oui, qui donnera naissance à l'éphémère Grèce libre des montagnes. En attendant, on assiste à une nouvelle vague d'arrestations dans les milieux de gauche. 3500 cadres et militants sont arrêtés à l'été 1947. Il faut aussi noter que des frictions opposent le chef du Parti communiste et celui de l'armée démocratique. Sur quelle base ? Les communistes téléguidés par Moscou et malgré la répression qui les frappe, entendent rester dans la légalité. Ouais, ça n'est pas forcément le point de vue des combattants. Et qui ont du mal à comprendre. Enfin, passons. Alors que l'armement en provenant des États-Unis ne cesse d'affluer sur le port du Pirée, il est créé un état-major gréco-américain. Désormais, les opérations militaires sont directement dirigées par les Américains. Et la chasse aux sorcières s'accentue. 15 000 fonctionnaires sont licenciés. Et après l'annonce jugée illégale de la formation d'un gouvernement provisoire démocratique, le Parti communiste est interdit et plusieurs centaines de ses militants sont raflés. Concrètement, là, ce gouvernement provisoire dirige quoi ? Il administre 1/10 du territoire où vit une population rurale pauvre de 100 à 200 000 personnes. Ouais, c'est peu, hein ? Bah, d'autant que les experts de la contre-guérilla continue à vider les montagnes. Près de 1000 villages sont désertés et 500 000 de paysans viennent s'entasser dans la périphérie des grandes villes. Pourtant, l'armée démocratique s'accroche. Au printemps 48, elle parvient même à rassembler 28 000 partisans, dont 25% de femmes. Mais rapidement, le relatif équilibre des forces va s'inverser. Oui, en défaveur des Andartès. Et au fur et à mesure que la guerre s'intensifie. Dans les villes, la répression s'accroît. Les camps de détention installés dans les îles débordent. Et les révoltes sont férocement matées. Certains de ces camps sont tristement réputés pour les conditions de vie terribles des détenus. Hein. Et c'est le cas de Macronissos, une petite île des Cyclades, devenue camp de concentration de 1947 à 1951, sous le nom officiel de Centre d'éducation morale et nationale. Athènes y détient des prisonniers politiques, rebelles de l'Hellas, puis de l'armée démocratique, mais aussi des intellectuels, et toute personne soupçonnée d'être communiste et donc ennemie de l'État. Plus de 80 000 Grecs y ont été internés pour être rééduqués. En tout cas, dès la fin 48, les forces gouvernementales reprennent l'ascendant. L'armée démocratique possède de moins en moins d'armes, et pour ne rien arranger, le chef du Parti communiste, englué dans ses contradictions entre sa fidélité à Staline et le seul soutien dont il dispose, celui du maréchal Tito, se comporte désormais en dictateur. Ouais, ça doit contribuer à décourager les combattants. Bah forcément. Et à tout cela va s'ajouter une opération de guerre psychologique conduite de façon machiavélique par les Américains. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Dans son ouvrage « L'Europe barbare », l'historien Kate Lowe fait le point sur la répression judiciaire pendant la guerre civile grecque. Extrait. La partialité de la justice fut sans doute l'aspect le plus choquant de toute cette période de l'histoire grecque. Alors que les poursuites contre les collaborationnistes avaient pratiquement cessé dès 1945, on continua d'arrêter et de traduire en justice un grand nombre de communistes. En 1948, d'après des sources américaines, seuls 25 collaborateurs et 4 criminels de guerre avaient été exécutés en Grèce par la voie judiciaire. Le nombre de sentences de mort exécutées contre des sympathisants de gauche entre juillet 1946 et septembre 1949 fut plus de 100 fois supérieur. Ceux qui ne furent pas exécutés croupirent souvent en prison pendant des années ou même des décennies. Dans les années 60, des centaines de femmes et d'hommes dont le seul crime avait été leur participation à des groupes de résistance qui avaient combattu les Allemands, étaient encore enfermés dans les geôles grecques. Et quelle a été cette opération de guerre psychologique là ? Au cours du printemps 1948, une rumeur inquiétante provoque une vive émotion. Dans les zones rurales, des enfants grecs sont arrachés à leurs parents par l'armée démocratique et envoyés de force dans les pays du bloc communiste. Et pour les Grecs, cela rappelle le temps des janissaires. Ouais, les enfants enlevés par les Turcs pour en faire des soldats. En fait, il s'agit d'une calomnie répandue par les services américains pour salir la réputation des communistes grecs. Mais elle a incontestablement frappé les esprits et même provoqué l'indignation de l'opinion internationale. Il y avait pourtant au départ un tout petit fond de vérité. C'est-à-dire ? Pour protéger leurs enfants des bombardements et des horreurs de la guerre, des andartès les envoyaient parfois de l'autre côté de la frontière. En Yougoslavie ? Ou en Albanie. En outre, il est vrai que dans les derniers mois de la guerre civile, de très jeunes gens ont été enrôlés dans les rangs de l'armée démocratique. Et parfois contre leur gré. Oui, parce que la situation des partisans va devenir de plus en plus difficile. À l'été 48, 40 000 soldats gouvernementaux se lancent à l'attaque du mont Gramos, un bastion de l'armée démocratique tout au nord. Le combat est inégal, non seulement à cause des effectifs, les partisans ne sont que 12 000, mais surtout à cause des armes utilisées, avions, canons, tanks et même bombes au napalm que les Américains emploient pour la première fois en Grèce. Ah oui, résultat ? Les Antarctes qui avaient reçu pour consigne de résister coûte que coûte perdent 2 500 hommes et 70 000 personnes sont raflées et déportées dans les camps des Cyclades. À ce désastre, il faut ajouter les dissensions de plus en plus vives entre le chef du Parti communiste et le commandant Marcos. Mais Marcos qui prône la guérilla. Tandis que Zakariadis veut transformer la résistance en armée régulière. Et c'est ce dernier qui va l'emporter. Marcos est limogé. Cependant, malgré ces querelles, les partisans remportent encore sur le terrain quelques belles victoires. En même temps, le gouvernement athénien accentue la répression. Les généraux de l'Hellas, ayant pourtant été intégrés dans l'armée régulière, sont dégradés. Et un personnage emblématique, Manolis Glézos, le héros de la résistance qui avait arraché le drapeau nazi de l'Acropole en 1941, est condamné à mort. Où en est-on à la fin de cette tragique année 1948 ? En dépit de leur supériorité numérique écrasante, les 300 000 hommes de l'armée royale ne sont pas encore parvenus à venir à bout des 25 000 partisans. Mais il est certain que les Américains sont décidés à en finir. Ouais, l'année 1949 sera donc décisive. On peut le penser. Et c'est d'autant plus vrai que les partisans grecs vont être victimes du grand jeu qui se joue dans les Balkans et qui les dépasse. Expliquez-moi. Il y a d'abord les rapports de plus en plus conflictuels entre Staline et Tito. Et ça se terminera par une rupture retentissante. Oui, au milieu de l'année 1948. Et la question grecque n'est pas étrangère à ce divorce. S'y ajoutent, mais je n'entre pas dans les détails car c'est très compliqué, les visées expansionnistes du maréchal Tito qui se serait bien vu annexer une partie de la Macédoine et qui aurait même eu l'ambition de créer sous son autorité une fédération balkanique. Quoi qu'il en soit, la rupture entre Staline et Tito est catastrophique pour les partisans de l'armée démocratique, car le parti communiste grec a pris le parti de Staline. Oui, contre Tito. Tito, qui était jusque-là leur principal soutien. Et qui va donc cesser de les soutenir. Ah, mais il leur fermera même sa frontière. Mais dans cette affaire, il faut aussi tenir compte des manœuvres du camp occidental. Londres et Washington ne pouvaient que se réjouir de la rupture entre Tito et Staline. Et les deux capitales ont même fait tout ce qu'il fallait pour la provoquer. Il faut d'abord savoir que le dirigeant yougoslave avait une dette vis-à-vis des Britanniques. Et quoi ? Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Churchill, en lui apportant un soutien militaire important, lui avait permis de s'imposer au sein de la résistance et de prendre le pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Face à l'ogre stalinien, Tito avait besoin de l'aide occidentale, et tant les Américains que les Britanniques étaient prêts à la lui apporter. Mais à une condition. Oui, je vois. Cesser de soutenir les partisans grecs. Exactement. Et après moult tractations secrètes, Tito va se résoudre à abandonner les Andartès et il y gagnera une importante aide économique occidentale pour son pays. Oui, mais ce sont les partisans grecs qui vont payer le prix fort. Hein. Obligatoirement. D'autant que l'alignement des communistes sur l'orthodoxie stalinienne ne leur servira à rien. Staline ne lèvera pas même le petit doigt pour les aider, ne serait-ce que matériellement. Et dorénavant, tout va aller très vite. Fin décembre 1948, 4500 communistes sont arrêtés dans le Péloponnèse. Et sur le plan militaire ? Bon, assurée du soutien états-unien, l'armée décide de refouler l'armée démocratique vers le nord. En janvier 1949, Athènes décide de frapper un grand coup. C'est un véritable rouleau compresseur américano-grec qui se met en branle. Il ne s'arrêtera qu'en août 1949 à la frontière albanaise. Dans le Péloponnèse, sur 3500 partisans, 2000 sont tués. Et les autres se cachent, traqués par les nouvelles troupes d'élite gouvernementale, suréquipées par les Américains, les LOC, c'est-à-dire les commandos de montagne. Les partisans sont laminés. Cependant, au printemps 1949, on observe un ultime sursaut de l'armée démocratique qui reprend le contrôle total du mont Gramos. Mais Staline s'en mêle. Non seulement il ne veut pas aider les Andartès, mais il demande alors au Parti communiste de battre en retraite. Et c'est plus qu'un lâchage. Et à l'ONU, les représentants soviétiques demanderont régulièrement la cessation des hostilités. Et donc la capitulation des partisans. Oui, car pour le maître du Kremlin, l'intérêt tactique de l'armée démocratique est nul. Et puis, Staline n'a jamais éprouvé beaucoup de sympathie pour ses combattants grecs indisciplinés et trop souvent imprévisibles. D'ailleurs, Marcos, qui réussira à s'enfuir en URSS, sera aussitôt envoyé au goulag. Non, aux yeux de Staline, la partie de bras de fer engagée contre les États-Unis se jouait ailleurs, à Berlin, par exemple, où il va imposer un blocus, ou encore en Chine, où Mao va s'emparer du pouvoir. L'armée démocratique est, par conséquent, condamnée. Et comme dans toutes les aventures qui se terminent, ce sont les querelles internes qui prennent le dessus. La direction du Parti communiste semble en proie à une véritable paranoïa. On purge, on épure. Ouais, on voit des traîtres partout. Et ici, il faut évoquer le camp de Bulkes, en Yougoslavie. À l'origine, c'était une base de maquisards qui y trouvait refuge avant de retourner en Grèce. Mais peu à peu, c'est devenu un véritable camp de rééducation. 500 dissidents communistes y auraient été exécutés. Autre point noir. Il est aussi, malheureusement, procédé à des recrutements forcés de combattants parmi les villageois. Car à la suite de l'élimination du commandant Marcos, les volontaires se font de plus en plus rares. Est-ce que la détresse des Andartès suscite une quelconque émotion à l'étranger? On en parle peu dans la grande presse, sauf bien sûr dans les milieux de gauche. Début juin 1949, le Parti communiste français envoie une délégation en Grèce libre. Son chef de file est le poète Paul Éluard, qui écrira des vers enthousiastes sur les combattants du mont Gramos. Et c'est justement sur ces pentes que l'armée gouvernementale lance une nouvelle offensive. 50 000 soldats affrontent 12 000 Andartès. C'est l'hécatombe. Et les vaincus ne peuvent même plus s'enfuir à l'étranger puisque Tito a fermé sa frontière. Et le dictateur albanais, Enver Hoxha, fera bientôt le même. Les Andartès survivants, là, sont donc maintenant complètement isolés. À la mi-juillet 49, l'armée attaque une dernière fois sur les contreforts du mont Gramos. L'opération Torche, son nom de code, se traduit par une vraie boucherie. L'aviation américaine intervient en force et arrose de napalm les insurgés. Est-ce la fin de la guerre civile ? Officiellement, elle est fixée à mi-octobre 1949. C'est aussi le début d'un exode qui voit des milliers de communistes et d'anciens résistants s'exiler dans les pays d'Europe de l'Est ou en URSS. Oui. Est-il possible de faire un bilan de la guerre civile ? Oui, oui. On estime qu'elle a provoqué la mort de 150 000 Grecs et la fuite de 100 000 autres. Il faudrait aussi parler de la dévastation du pays, destruction de la majeure partie de la marine marchande, de la production agricole et industrielle et de la quasi-totalité des infrastructures nationales, ports, voies ferrées, communications, aérodromes, etc. Et la suite ? En 1952, la monarchie grecque se dote d'une nouvelle constitution. Apparemment, elle est démocratique. Mais toutes les lois d'exception votées à partir de 1945 sont maintenues, d'où le maintien en prison ou en déportation de milliers d'opposants. La même année, la Grèce intègre l'OTAN et se lie par des accords spéciaux avec les États-Unis, car Washington considère que le pays est désormais un poste avancé du monde libre. Ah, c'est clair, ça. Et si à la fin des années 50, le régime s'assouplit un peu à cause de la forte progression de la gauche lors des élections de 1958, la Grèce connaîtra en 1967 le fameux coup d'État des colonels. Oui, l'instauration d'une nouvelle dictature. Qui durera jusqu'en 1974. Et ces colonels sont les héritiers en ligne directe de tous ces factieux et autres collaborateurs des nazis qui ont été remis en selle à la libération par les Britanniques et dont les fascistes de l'aube dorée sont aujourd'hui les ultimes avatars. Un dernier mot. Ce n'est qu'en 1982 que la résistance a été enfin reconnue officiellement et que les exilés politiques ont pu rentrer ouvertement en Grèce. Les terribles années de la guerre civile ont donc laissé des traces profondes et ineffaçables. Je vous rappelle le titre des livres que j'ai consultés de la résistance à la guerre civile en Grèce, 1941-1946, de Joël Fontaine. Dans la Grèce d'Hitler, 1941-1946, de Marc Mazower. Et Les communistes grecs dans la guerre, de Christophe Giclet. Et puis, toujours en librairie, Les grandes mystifications de l'histoire, signé par votre serviteur et coédité par France Inter. À samedi prochain et sur franceinter.fr, vous pourrez communiquer avec nous. Merci à Rebecca Denante qui a préparé cette émission, à François Audouin qui l'a réalisée et à Monsieur Joub qui l'a mise en musique.